pas de bactéries, pas de toxines, on peut y aller. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Label Rock, comme tous les dimanches de 18h à 20h, Sébastien aux manettes, un grand plaisir de vous retrouver en ce dimanche. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Oui, je sais, j'espère que vous n'avez pas été déraciné par le vent violent, la tempête qui s'est abattue dans la région. J'étais du côté de Clermont-Ferrand tout ce week-end et je vous rassure, ça a été pareil, un même combat du côté de Clermont. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. J'ai fait un petit tour pour venir ici, il y a eu quelques arbres déracinés. Bon. Pas tout seul ce soir dans le studio jusqu'à 20h puisque j'accueille avec un grand plaisir. Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu, Philippe. Philippe, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Sébastien, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et puis ça va, oui, je me suis arrangé pour pas prendre une tuile sur le coin de la figure. Ouais, ça a été chaud aussi ton côté là-bas ? Non, un petit peu de vent, mais enfin bon, quand tu regardes les infos, hein, tu te rends compte que dans la région, on est quand même... On est pas mal lotis, ouais. Voilà, on n'est pas les plus à plaindre. Bon, allez, la forme, j'espère que vous aussi, ça va bien en ce dernier jour du mois de février. Oui, demain, 1er mars. On va en profiter avec plein de très bonnes choses, comme d'habitude dans Label Rock ce soir. Beaucoup de nouveautés, puis on aura l'occasion de tester ta culture rock, Philippe. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de retours sur des classiques. On parlera notamment de Jimi Hendrix. On parlera d'un groupe que j'aime bien qui s'appelle The Monks. On parlera de Pavement, groupe séminal américain important dans la culture indé américaine rock. Et puis histoire de se faire plaisir, on va commencer par un classique signé New Order. Test de culture, New Order, Cérémonie, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Philippe ? Déjà le groupe New Order, c'est le groupe qui a fait suite à Joy Division, qui a joué en gros de 77 à 80, donc le leader Ian Curtis, il y avait Bernard Sumner, Peter Hook et Stephen Morris. Voilà, donc, et puis bon, tout le monde le sait, en mai 80, le chanteur Ian Curtis s'est suicidé. Donc le groupe a quand même décidé de continuer, et finalement ils ont choisi Bernard Sumner comme qui était à l'époque un guitariste. Hein. Qui était uniquement guitariste, et du coup il est devenu chanteur. Ouais, donc, il a même amené sa petite copine, Gillian Gilbert, qui l'a rejoint, c'était au mois d'octobre. Alors les premières chansons, c'est une sorte de transition entre Joy Division et New Order, notamment Cérémonie qu'on va s'écouter, c'est-à-dire des chansons assez sombres et mélancoliques. Ça avait été d'ailleurs écrit par Ian Curtis et c'est sorti, c'est en 81, c'est ça ? Oui. Toujours le même setup, on retrouve à la production Martin Hennett qui avait fait les grands jours de Joy Division. Cérémonie, donc premier single de New Order, ex-Joy Division, c'était en 1981 sur leur premier album, qui a gardé d'ailleurs une identité très Joy Division dans le son, mais aussi la façon de chanter de Bernard Sumner, qui rappelle évidemment celle de Ian Curtis. On y va, Philippe ? On y va. Allez, bon souvenir à tout le monde, New Order pour commencer cette émission. Ça s'appelle Cérémonie. Vous écoutez Label Rock, comme tous les dimanches, sur Virgin Radio 1 89.4. Énorme souvenir de 1981 pour commencer cette nouvelle émission de Label Rock ensemble sur le 89.4 jusqu'à 20h. Sébastien et Philippe pour vous accompagner tout en musique avec un souvenir pour commencer. Il y aura d'autres souvenirs hein, puisqu'on parlera de Pavement, on parlera des Monks, on parlera de Jimi Hendrix et puis plein d'autres nouveautés tout au long de ces 2 heures. Tiens, j'ai pensé à toi en faisant la playlist, Philippe. Je suis tombé sur un groupe londonien avec un nom déjà tout bizarre comme tu aimes, Betty and the Werewolves. C'est une première nouveauté hein, ce soir dans Label Rock et la particularité de ce groupe c'est qu'il y a 3 filles et un garçon, 3 filles dont une fille qui chante, c'est bien ça hein. Ah chic un groupe de filles. Voilà, encore un de plus, Laura au chant et à la basse, Emily à la guitare et au chœur, Hélène guitare et clavier et Doug, il fallait bien un garçon quand même dans tout ça pour mettre un petit peu d'or peut-être. À la batterie, ils enregistrent sur le label Damage Good Records, 2 singles de sortie pour l'instant pour ce groupe Betty and the Werewolves. Nouveau single qui s'appelle David Cassati, c'est donc leur 2e single chez Damage Good Records, mais vous pouvez retrouver aussi cet excellent single sur la nouvelle compilation de Rough Trade qui s'appelle Indie Pop 2009. Et si ça te plaît, si ça vous plaît, et bah sachez qu'il y a un nouveau single qui va arriver ainsi qu'un premier album prévu pour cette année. C'est bon ça? Eh ben écoute, envoie toujours, on va voir. Eh ben j'envoie la purée. Betty and the Werewolves, ça s'appelle David Cassati. I'm not. 18h-20h, Label Rock. Like the way you walk, like the way you talk, like the way you smile, and what are you for? I like to see your hands, like to be your friend, like to be around, like to meet those hands. Of art, like a piece of art, a little dance of love and care, like a piece of art, like a piece of art, a little dance of love and like a piece of art, a little dance of love and hate, like a piece of art, like a piece of art, a little dance of love and hate. L'excellente pop des londoniens Betty and the Werewolves pour commencer. Nouveau single chez Damage Good Records, ça s'appelle David Cassati, Laura, Emily, Hélène et Dog. Si vous avez aimé ce nouveau single, eh ben joie dans vos chaumières, puisqu'il y a un nouveau single qui va arriver. Premier album aussi prévu pour cette année. Je crois qu'il faudra attendre quelques semaines. Tu me disais hors antenne que bah oui, la pop n'évolue pas, Philippe. Hein. Ah, écoute, ça m'a fait penser exactement. Ça sonne comme ce qui se faisait il y a plus de 20 ans, toujours en Angleterre. Hein. Ça me fait penser à des groupes comme Talou La Gauche ou Heavenly, qui avait toute une scène déjà à l'époque, hein, avec des compilations du NME. Pour tous ces groupes. Ouais, certains auditeurs pourraient dire, bah disons, si ça sonne comme un groupe de 20 ans, ça évolue pas, mais c'est, dans ce cas-là, c'est un compliment hein, quand même. Bah oui, voilà, ça reste de la pop. Il y a toujours des gens qui ont envie de faire des choses très simples, avec pas mal de fougue, sans s'embarrasser de complexes, avec des paroles toutes bêtes, et puis un beat de batterie hyper rapide, voilà. Voilà, de l'indie pop à l'anglaise, toujours fraîche. Hein. Moi j'aime bien. Betty and the Werewolves, donc, nouveau single David Cassati, et puis. À l'instant, Sting Sisters, hein, découverte de ce mois de février. Et je vais remercier Sandrine Brunton, hein, responsable de la communication au Fil à Saint-Etienne, qui, bah, la dernière fois que j'ai été faire un tour du côté du Fil, elle s'est empressée de me filer ce CD dans mes mains en me disant « Seb, il faut absolument que tu écoutes cet album, on va les faire venir du côté de Saint-Etienne. » Ils seront les Sting Sisters donc le 8 avril à Saint-Etienne dans le cadre du festival Avataria. C'est trois Hollandais hein, qui viennent de Rotterdam, qui font du punk, blues, trash, rock, hein, tout simplement. Ils existent depuis un bon moment, 1992, et viennent finalement d'enregistrer leur premier album en France. L'album s'appelle More Songs of Love and Woe, un album qui est disponible sur, j'adore le nom de ce label, s'appelle Fart Records. Tu sais ce que c'est Fart en anglais? Fart, non, rappelle-moi. Bah, c'est un P en fait, hein, quand on pète, voilà. D'accord. C'est disponible depuis quelques semaines, donc ça reste bien dans le cadre de cette émission. Enfin, non pas qu'on ait des péteurs, loin de là, mais enfin bon, ça reste. Enfin, c'est de la rigolade, voilà. Très bien aussi, ça m'a bien plu, ça fait bien bouger la tête. Bon, l'album donc More Songs of Love and War, les Sting Sisters, je vous rappelle, on aura l'occasion d'en reparler le 8 avril prochain à Saint-Etienne dans le cadre du festival Avataria. On va Et bah restez dans le rock, on va descendre un petit peu en Europe puisqu'on quitte la Hollande, on va en Belgique avec un duo belge qui s'appelle The Black Box Revelation, un duo qui existe depuis 2005 et qui sera lui aussi en France très prochainement pour une longue tournée, notamment deux dates près de chez nous, à l'Empérage à Grenoble, ça sera le 13 avril, et du côté de Clermont-Ferrand à l'Europa Vox Festival le 21 mai où ils seront notamment sur la même scène qu'un certain monsieur Pete Doherty. Voilà, The Black Box Revelation tout de suite, extrait du nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle Silver Threat, ça s'appelle Eye on a Wire. On a Wire, excellente nouveauté du duo belge The Black Box Revelation dans Label Rock 18h22. Si vous avez aimé ce son, il faudra aller les applaudir donc le 13 avril prochain à l'Empérage à Grenoble et le 21 mai à l'Europa Vox Festival où ils seront entre autres, il y a beaucoup d'artistes qui sont bookés dans ce festival, mais la tête d'affiche sera évidemment Pete Doherty, l'ex des Libertines. Voilà, nouvel album donc pour Black Box Revelation qui s'appelle Silver Threat, c'est sorti début février dernier. Je vous disais qu'avec Philippe on allait tester un petit peu la culture rock de Philippe. On a parlé déjà de New Order, on va parler maintenant d'un groupe un petit peu plus obscur qui s'appelle The Monks, ça veut dire les moines en Angleterre. Je suis retombé sur un disque et je me suis dit tiens, ça va faire plaisir à Philippe, ça risque de faire plaisir aussi à beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent peut-être pas cet excellent groupe qui avait la particularité d'être américain mais basé en Allemagne. Une grande histoire concernant les Monks, Philippe. Oui, effectivement, ils ont une histoire un peu folle quoi. Donc comme tu l'as dit, c'était un groupe de garage rock américain basé en Allemagne, donc c'était pas des Allemands. À l'origine, c'était des GI, 5 GI américains qui étaient basés en Allemagne en 1963. Et donc, après leur sortie de l'armée, ils sont restés en Allemagne. Et là, ils ont décidé de former un groupe qu'ils ont d'abord appelé The Torquays. Et ensuite, ils se sont appelés The Monks. Et ils ont continué donc à jouer en Allemagne. Hein. Voilà, ils ont joué sur les scènes locales. Et donc, après, ben, ils ont enregistré. Ils ont sorti en 66 l'album Black Monk Time, qui contient une douzaine de titres. Donc, c'était sorti chez Polydor Allemagne. Hein. Alors, c'était assez déglingué hein, quand même comme style. Hein. Ouais, mais carrément, ouais, c'était des rythmes assez tribaux avec des riffs de guitare assez agressifs. Et tout ça, bah, ça faisait quand même bon ménage avec des banjos 6 cordes. Donc voilà, c'est quand même assez hors norme. Quoi. Alors mais bon, s'ils étaient assez déjantés au niveau de la musique, au niveau du look, c'était pas mal aussi. Ah bah c'était tout à l'avenant, quoi. C'est clair qu'ils adoptaient une image de circonstance. Puisqu'ils s'appellent The Monks, hein, les moines, ça voilà, veut dire. Voilà, les moines. Donc les auditeurs devinent, hein, ils étaient entièrement habillés de noir. Alors avec une corde nouée autour du cou, et puis ils complétaient ça, comme le nom du groupe l'exige, par une tonsure de moine, quoi. Voilà. Donc. Alors ils n'ont pas eu énormément de succès hein, à la fin des années 60-70 hein, puisqu'ils ont splitté. Alors en 94 il y a quand même une maison de disques qui ressort cet album culte hein, Black Monk Time de 66 en CD aux États-Unis. Il y a une sorte de renouveau d'intérêt hein, pour le groupe Philippe. Bah, tout à fait, donc de toute façon c'était un groupe qui était vénéré par pas mal de gens très respectés, très respectables, entre autres Marky Smith, chanteur de The Fall, qui citait souvent ce groupe-là, également Radiohead, Iggy Pop et même les White Stripes. Ouais, donc des fans assez illustres on va dire. Voilà, donc et du coup ben, ça leur a donné l'envie de se reformer pour quelques concerts en 99. Donc ils sont repartis là-dedans. Est-ce qu'ils sont repartis un peu, enfin vraiment sauvage, rock'n'roll et tout, en étant plus vieux? Bon, ça a peut-être un petit peu été un peu trop dur pour eux. Ils s'étaient un petit peu calmés. Hein. Alors le bilan à l'heure actuelle, le batteur hein, John Stone, qui lui est mort en 2004. Le joueur de banjo Dave Day, lui, il est décédé en 2008. Il reste encore deux survivants de ce groupe de Monks. 2006, le chanteur qui est devenu maire dans le Minnesota. Comme ouais. Quoi, le rock'n'roll mène à tout. C'est clair. Et enfin, le bassiste qui est devenu, lui, romancier avec un certain succès dans les cercles littéraires. Qu'est-ce que tu m'as choisi comme extrait, Philippe ? Eh ben, un morceau qui s'appelle I Hate You. Ouais, c'est sympa, merci. Non, c'est pas pour toi. Bon, ça marche. Tiré donc de cet album de 66 de Monks. Avec I Hate You, l'album lui s'appelle Black Monk Time et c'est facilement trouvable sur l'internet. On y va. découverte ou redécouverte pour certains. 1966, l'album des Monks, Black Monk Time, avec ce classique A.I.T.U. Classique certes, mais assez space quand même, hein, Philippe. C'est bien. Ça... Ah, ils étaient bien secoués quand même. Mais... Ah, ils étaient bien secoués comme ça. Je vois bien ça sur scène avec effectivement la corde au cou et puis bah, les habits de moine. Ça devait pas laisser indifférent, on va dire. Je sais pas si on trouve des vidéos sur YouTube, ça mérite de vous chercher quand Moi, même. Moi, tu sais qu'on trouve tout sur l'internet. Donc, en tout cas, vous pourrez trouver donc cet excellent album qui a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça. L'album donc Black Monk Time. Si vous voulez réagir, évidemment, on est en direct. Donc, virginradio1@orange.fr, virginradio1@orange.fr, ou vous cliquez directement sur virginradio1.fr, vous cliquez sur l'onglet, il y a un petit onglet qui s'appelle Label Rock, où à partir de demain, comme chaque lundi, vous retrouverez cette émission hein, en podcast avec l'intégralité des track listings. On va rester dans les artistes un petit peu cultes comme ça, et je vais vous parler d'un américain, musicien, poète et romancier qui s'appelle Gil Scott Heron, très connu hein, pour ses performances de spoken word sous influence, on va dire, musicale jazz, soul et funk à la fin des années 60 et 70. Certains d'ailleurs considèrent Gil Scott Heron comme l'un des pères du rap, avec des textes qui se nourrissent entre autres de la réalité de la rue, hein, sa rue à lui, des problèmes politiques et sociaux. Il s'impose dans les années 60-70 comme le défenseur de la cause noire américaine dès la fin des années 60, en décrivant notamment la misère, la violence et la drogue qui ravagent les ghettos, mais aussi en critiquant la politique américaine et notamment le gouvernement de Nixon. Il étendra aussi ses propos pour dénoncer l'apartheid dans les années 70. La bonne nouvelle, c'est que Gil Scott Heron est de retour en 2010 avec un nouvel album chez XL. L'album s'appelle I'm New Here, premier extrait de cet excellent album de Gil Scott Heron. Ça s'appelle Me and the Devil. Vous écoutez la Bell Rock, on est ensemble jusqu'à 20h. 18h, Label Rock. We'll be right back. Gil, Scott Aaron, Me and the Devil pour commencer, extrait du nouvel album de Gil qui s'appelle I'm New Here. C'est disponible chez XL, distribué en France par Beggars Banquet. Premier extrait donc et premier single Me and the Devil. Et puis à l'instant, la patte facilement reconnaissable des Massive Attack, un nouvel album, 9e album. L'album s'appelle Heligoland, disponible depuis le 8 février maintenant avec sur cet extrait Pray for Rain, le chanteur des TV on the Radio. D'ailleurs, beaucoup de très beaux monde sur cet album, hein, Philippe. Ça va, pas mal. Bah, apparemment, oui. Bon, il faut quand même que tu m'aides. Il y a des gens que je connais pas trop. Martina Topleybird. Oui, qu'on avait connu avec, je sais plus, Tricky, voilà, qui faisait partie aussi de Massive Attack, hein, au début de l'histoire de Massive Attack. Damon Albarn, tu connais évidemment. Bon, ben ça, c'est Blur. Chanteur de Blur. Horace Andy, chanteur jamaïcain qui a fait les plus beaux. Parmi les plus belles chansons du reggae jamaïcain. Et puis bah, je te laisse parler de la dernière, hein, ah bah la dernière on la connaît bien à la Bell Rock, c'est Hop Sandoval de Mazzy Star. Voilà, donc, qui a fait tellement d'autres choses aussi. Oui, et qui a sorti un bel album sous son nom. Et on attend toujours des nouvelles, hein, de Mazzy Star, normalement prévu en 2010. J'ai pas été faire un tour sur le site officiel de Mazzy Star, donc je sais pas si ça avance ou pas. Mais on espère que reformation peut-être aussi pour Pavement. On en parlera dans la deuxième heure de ce programme. Et puis j'ai été faire un petit tour du côté des Pixies, puisqu'on parle de reformation, toujours pas de nouveautés. C'est vrai qu'il y a eu quelques concerts comme ça, mais apparemment ça avance pas trop l'album. Je sais pas si c'est toujours une bonne chose ces reformations, on est souvent assez déçus quand même. Oui, moi je pense, hein, mais bon, les musiciens sont un peu largués des fois quand même, hein. Ils se rendent compte qu'il y a quand même pas mal de groupes actuels qui les citent comme inspiration, ça leur donne peut-être envie de... Mais bon, des fois... Vaut mieux rester muet et rester sur de bons souvenirs. En tout cas, Massive Attack avait eu un petit passage à creux, hein. On revient en force donc avec Heligoland. Un nouvel album. On va rester dans la veine électro avec un extrait du nouvel album du londonien qui s'appelle Kieran Hebden. Vous le connaissez peut-être plus sous le nom de Fortet. Projet électro de l'ex-guitariste du groupe Fridge, hein, projet électro créé en 1998. C'est déjà son 5e album sous le nom de Fortet et c'est disponible une fois de plus chez Domino. L'album s'appelle There Is Love In You, superbe album qui redonne vraiment ses lettres de noblesse à la house music. Une house music comme on l'aime, hein, hyper mélodieuse, dansante et très recherchée. La preuve tout de suite, ça s'appelle Circling, Fortet dans la Bell Rock. Il est 18h45, encore 1h15 de très bon son, ma compagnie et celle de Philippe. Circling, extrait du cinquième et nouvel album du londonien Fourtet. L'album s'appelle There Is Love In You. On reste dans cette mouvance électro-électropop avec une autre nouveauté qui nous vient de Londres, encore une fois, avec un groupe qui s'appelle Nedry. C'est un trio qui est en train de réinventer le trip-hop, hein, puisqu'on parle de trip-hop et de Massive Attack il n'y a pas si longtemps dans cette émission. Encore une fois, voix féminine à l'honneur, Philippe, ce coup-ci une japonaise et deux anglais. Oui, alors effectivement, quand on les écoute, on pense un peu à Björk, également à Portishead, Massive Attack, tu viens de le dire, également Archive, mais en plus moderne, plus bizarre, plus varié aussi, avec des éléments de dubstep, d'électro-folk et d'électronica. Ouais, franchement, premier mini-album Nedry, l'album s'appelle Condors, fantastique, hein, 8 titres en tout, sortis sur un label qu'on aime bien, hein, assez obscur, qui s'appelle Monotreme Records. C'est disponible en Angleterre depuis le 22 février et vous trouverez ça très facilement sur l'internet. Un extrait de ce mini-album Nedry, ça s'appelle Condors. Souvenez-vous du nom de ce trio londonien, Nedry, je vous le disais, en train de réinventer le trip-hop. Et on ne vous mentait pas, hein, quand on disait que ça fait penser à Björk, notamment, bah oui, la voix féminine. Bah quand même, oui. Hein, c'est vrai que ça se rapproche beaucoup de Björk. 8 titres donc sur ce premier mini-album. L'album s'appelle Condors et on vient de s'écouter Condors. Hein, je vous disais, c'est fantastique. C'est disponible sur le label Monotram Records depuis le 22 février. En Angleterre, ça c'est sûr. Sur le net, ça c'est sûr aussi. En France, je ne sais pas trop qui distribue ça. En tout cas, c'est vachement bien. Nedry, N-E-D-R-Y. Encore une fois, http://virginradio1.fr. À partir de demain, tous les track listings et virginradio1@orange.fr pour nous faire part de vos commentaires. Je pense que juste avant une petite page de pub, il est l'heure de mettre encore plus de chaleur dans ce programme et d'aller danser avec mes chouchous du moment, les New Yorkais Fool's Gold. Excellent titre de mon petit groupe du moment, les Fool's Gold. Apologies, hein, mea culpa, ils ne sont pas de Los Angeles, ils n'y sont pas de New York, c'est Sophie qui vient nous envoyer un email, ils sont évidemment de Los Angeles, voilà. Initié groupe Fool's Gold donc par Luke Top, mais aussi Michael Trapper, l'ex-batteur de We Are Scientist, Orfeo McCord, le percussionniste de Fool, et Matt du groupe Foreign Born, donc Los Angeles, hein, un petit peu à l'image de cette ville vraiment multiculturelle. Un groupe qui joue un métissage entre pop, rock et musique africaine. Il est très très bien cet album, avec des sons d'Afrique de l'Ouest, du chant en hébreu, et c'est un groupe californien. Bref, c'est ce que j'ai dit la dernière fois que j'ai joué ça, c'est un petit peu ça la mondialisation aussi, hein. En tout cas, l'album sort le 8 mars chez 5-7 et le groupe s'appelle Fool's Gold, et vous aurez peut-être l'occasion d'aller les applaudir en France, car il y a beaucoup beaucoup beaucoup de dates, Philippe. Oui, en effet. Ça commence le 2 avril, ils seront à Nantes, à l'Olympique, le 13 avril à Caen, au Cargo, le 15 avril à Rennes, aux Antipodes, le 16 avril, ils seront au Printemps de Bourges, voilà, le festival. À mon avis, ils vont tout retourner là-bas. Ben ouais, non, c'est vraiment frais comme musique, moi ça m'a bien plu, pourtant a priori c'est pas forcément mon style de musique, ouais. Mais bon, vraiment, voilà. Le lendemain donc du Festival de Bourges, le 17 avril, ils seront au Paradis Artificiel à Lille, le 19 avril à l'Espace Barbé à Bordeaux, le 20 avril à l'Épicerie Moderne Faisin, donc Lyon, 22 avril la Bellevilloise à Paris, et enfin le 23 avril à l'Ouvre-Boîte à Beauvais. Voilà, donc le plus près, le 20 avril évidemment, à l'Épicerie Moderne Faisin du côté de Lyon, pour aller applaudir les Fool's Gold. En attendant, rendez-vous le 8 mars pour la sortie française de ce premier album. Autre artiste complètement original et unique, nouvel album pour le Canadien Son of Dave, hein, souvenez-vous, ancien membre des célèbres Crash Test Dummies, nouvel album qui s'appelle Shake Bone, blues, hein, blues, mais inscrit vraiment dans le 21e siècle, hein, moderne, sans prétention, musique funky à la seule force de ses lèvres émanues, un artiste authentique qui s'essaye à une musique rustique où la guitare sèche et le beatbox rythment les solos d'harmonica. Un extrait de cet album, ça s'appelle Ain't Nothing But The Blues. Vous écoutez Label Rock ensemble jusqu'à 20h. Ow! Ain't Nothing But The Blues dans la Bell Rock sur Virgin Radio 1, Son of Dave, nouvel album qui s'appelle Shake a Bone, et franchement je préfère quand il est en solo qu'à l'époque où il était avec les Crash Test Dummies. Je pense que vu tes hochements de tête, ça doit être le même cas pour toi, Philippe. Ouais, c'est sympa, à la fin là ça tournait James Brown. Ouais, c'est vachement bien, et vous aurez l'occasion de l'applaudir, notamment pour tous ceux qui nous écoutent via le podcast, car encore une fois, très peu de dates pour Son of Dave, le 12 mars au Café de la Danse à Paris et le 13 à l'autre canal à Nancy. Puisqu'on parle de blues, je vais faire un petit clin d'œil à toute l'équipe de la coopérative de Mai qui m'a gracieusement accueilli, et de fort belle manière. C'était hier soir pour un excellent festival du côté de la coopérative de Mai à Clermont avec la nuit de l'Alligator. C'était la cinquième édition, il me semble, où j'ai eu l'occasion, avec pas mal de Clermontois et quelques Rouennais aussi, j'ai vu, d'applaudir vieux Farka Touré pour de la musique africaine sous influence blues. Il y avait aussi des Gallois, un duo gallois qui s'appelle Henry's Funeral Shoe, très bon groupe. The Agitator, ça c'est un petit peu ma découverte de la soirée. Deux Anglais qui viennent de Brighton, juste une formation, on va dire, voix plus batterie, avec pas mal de chansons au grain, un petit peu gospel, un petit peu soul, rock'n'roll, vraiment une très belle prestation vocale de ce nouveau groupe. J'ai échangé quelques propos avec le chanteur, ils sont en train d'enregistrer un premier album, donc ça devrait arriver. J'ai laissé la carte, donc rassurez-vous, on devrait avoir des extraits dans cette émission. Et finalement, il y avait un quatrième groupe qui s'appelait Honky Finger, je peux pas en parler parce que j'étais à l'apéro et je suis arrivé en retard, voilà, vous saurez tout. En tout cas, de très bonnes choses du côté de la coopérative de Mai dans les semaines à venir. Le 19 mars, Hadouken seront donc à la Copé à Clermont. Le 22 mars, Heavy Trash, le groupe de John Spencer, de retour à Clermont, le 22 mars. Donc Heavy Trash. Le 30 mars, le Peuple de l'Herbe sera de retour à la coopérative de Mai aussi. Et un autre groupe qu'on aime bien, une chanteuse française qui s'appelle De Rodeo, ça sera le 10 avril 2010. On continue ce programme en restant dans le blues, en restant dans le rock avec un homme culte. On l'appelle le héros de la guitare, c'est monsieur Jimi Hendrix. Hey! People hear me, people hear me. Understanding, a little love is all I need, yeah. Hey, little loving, understand, trying. A little loving is all I need, babe. All misunderstanding, no good woman. They both have calls, they both. Every morning the willows weeping moan for me. Said every morning. Said now the willows weeping moan for me. Well, my baby has come for heart. My baby has come for heart to bleed. Wow, every morning I'm crying the blues. Every morning I see a whole lot of people lose their soul. Monsieur Jimi Hendrix à l'honneur dans ce programme, et j'étais en train de regarder pendant que je diffusais ce titre, mais j'étais en train de me demander si j'avais déjà diffusé du Jimi Hendrix dans ce programme depuis les quelques années que je le fais hein, sur Virgin. Et en fait oui, j'avais diffusé un classique All Along the Watchtower, c'était le 23 mars 2007, et en préparant cette émission je me suis dit tiens, il faut absolument passer un Jimi Hendrix, et l'occasion s'est présentée puisque ce titre hein, qu'on vient de vous diffuser qui s'appelle Bleeding Heart, c'est en fait le premier extrait de Valleys of Neptune, l'album studio inédit de Jimi Hendrix qui va paraître le 8 mars, soit 40 ans après sa disparition. 12 chansons enregistrées en studio en 1969 et présentées par sa nouvelle maison de disques Sony Music comme totalement inédite. Alors les grands fans de Jimi Hendrix, ça risque de faire un petit peu polémique hein, cet album, puisque cet enregistrement posthume n'est évidemment pas le premier et certainement pas le dernier vu l'immensité du répertoire très convoité du guitare héros Jimi Hendrix. En tout cas, je vais m'amuser un petit peu à vous, pendant que tu te prépares, hein, pour parler de Pavement dans quelques minutes, Philippe. On va parler un petit peu de cet album de Jimi Hendrix qui sortira donc le 8 mars. Il débute par Stone Free, un titre bien connu des fans de Jimi Hendrix, hein, puisque c'était en fait la face B du single Hey Joe en décembre 66. Puis il y a le titre qui donne nom à cet album qui s'appelle Valleys of Neptune. Ensuite, Bleeding Heart, un troisième titre classique, en fait, pas écrit par Jimi Hendrix, mais par le bluesman Elmore James, hein, dont Jimmy était un fan inconditionnel. Suivent des versions de Hear My Train Coming et Red House, deux titres bien connus car ils étaient présents sur la compilation posthume qui s'appelait Blues. Ensuite, on retrouve le titre Fire qui était présent sur Are You Experience, l'album de 67, mais ce coup-ci interprété en live à Woodstock. Il y a ensuite Loverman, hein, joué souvent par Jimi Hendrix sur scène, notamment au Royal Albert Hall de Londres. Et pour finir, ce très bon album, une version du Sunshine of Your Love de Cream, encore une fois joué en live. Nouvel album donc, ça fait bizarre de dire ça hein, pour Jimi Hendrix. Plutôt, ouais. Ça paraît le 8 mars chez Sony Music avec cet extrait qu'on vient de vous jouer qui s'appelle Bleeding Heart. En parlant de, non pas de nouvel album, mais de réédition, superbe réédition qu'on a reçue, ça vient de chez Matador, ça va sortir début mars. C'est une sorte de best-of du groupe américain Pavement. L'album ou la compilation s'appelle Quarantine The Past, hein, Pavement, un groupe de rock indépendant des années 90 qui a marqué la musique underground, la musique indé de bien belle manière. La preuve tout de suite, un petit historique signé Philippe. Allez, c'est le nouveau test de la soirée, Philippe. Lâche-toi. Non, comme tu dis, on arrive au gros morceau, là, c'est vrai, de la soirée. Donc, Pavement, c'est vrai qu'ils ont été très connus pour leur style, leur son lo-fi. Hein. Ils ont eu une influence énorme sur pas mal d'autres groupes. C'était un groupe qui s'était formé en 89 en Californie, à Stockton précisément. Donc un groupe formé par Stephen Malkmus et un de ses amis de longue date qui s'appelle Scott Cannenberg. Alors en fait, ils sont tous les deux guitaristes-chanteurs, et bon, ils ont très vite trouvé un batteur dans la personne de Gary Young. Et donc ce batteur, en fait, il leur mettait à disposition son home studio et ils ont pu enregistrer leur premier maxi qui s'appelait Slate Tracks. Voilà, donc il a été édité en 89, mais par contre uniquement aux États-Unis. Ouais, c'était impossible de trouver du Pavement en 89. Hein. Voilà. En France, en donc, tout cas. Par contre, bon, après ça s'est arrangé. Hein. Donc l'année d'après, en 90 et puis 91, ils ont enregistré deux autres maxi, donc Demolition Plot G7 et Summer Babe. Ouais, il y a eu un mini-album aussi. Tu t'en souviens ? Ouais, je m'en rappelle de ça. D'accord. Effectivement, comme tu le dis, il y a eu un mini-album qui est sorti sur le label américain Drag City, donc qui les a fait vraiment découvrir chez nous en Europe et qui leur a également assuré un contrat avec le label anglais Big Cat. Oui. Voilà. Ensuite, a suivi le premier album, Slanted and Enchanted, qui est sorti en 92, si je me souviens bien, et qui a été un joli succès. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'il y a plusieurs albums de Pavement qui sont regroupés sur cette très belle compilation qui s'appelle Quarantine de Past. On va passer trois morceaux de Pavement hein, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore ce groupe américain. Et on passe justement à un titre qui s'appelle In the Mouth Desert, qu'on retrouve justement sur ce premier album Slanted and Enchanted en 92. Pavement dans la Bell Rock. Les Pavement, donc, en 92, avec In the Mouth Desert, tiré de leur premier album Slanted and Enchanted. J'aurais pu balancer d'autres titres hein, de cet album, puisqu'il y a eu quelques singles. Un titre comme Here ou Trigger Cut aurait fait l'affaire aussi, mais bon, vous allez vous rabattre, évidemment, sur Quarantine de Past, où vous découvrirez tout au long de ces... Il y a plus de 20 titres, hein, 25 titres, il me semble, révision de classique Pavement ce soir dans la Bell Rock. En 92, donc, joli succès, et ça continue encore Power 2 ans plus tard. Ouais, tout à fait, parce qu'en 93, a priori, on sait pas trop ce qu'ils ont fait. Tourner à fond, oui, peut-être un petit peu de composition. Par contre, en 94, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, ils se sont séparés de leur batteur Gary Young, ouais, qu'ils ont remplacé par Steve West. Et ça, ça se passait juste avant la sortie de Crook Train. Deuxième album. Et alors là, par contre, ça a été vraiment l'explosion, encore un peu plus que pour le premier album. Je veux dire, la rotation régulière de ce disque sur les radios et sur MTV ont vraiment accru la renommée du groupe. Mais alors vraiment... Ça a cartonné, ils ont explosé. C'était le carton, voilà. Qu'est-ce qu'on écoute en extrait de cet album? On écoute Unfair dans quelques secondes, juste pour vous dire qu'entre-temps, ils étaient venus effectivement en Europe. Et sur ce deuxième album, Crook Train, on trouve vraiment une marque de fabrique de Pavement, avec toujours un son indé américain, comme on aime dans la belle rock. La preuve, Pavement tout de suite, Crook Train, c'est le nom de l'album. On est en 94, ça s'appelle Unfair. Pavement en 1994 sur l'album Crook Train, Unfair, un des titres que vous retrouverez sur cette nouvelle compilation Best Of qui s'appelle Quarantine The Past. C'était donc en 94, troisième album en l'année suivante, carrément, 95. Voilà, pile après en 95, donc troisième album qui s'intitulait Wowie Zowie. Donc ça persistait toujours dans un registre expérimental et assez divers, toujours sans concession. Et donc après, en 97, alors là par contre c'était moins immédiat, moins le côté accessible, le groupe s'est orienté vers une approche plus méditative avec l'album Brighten the Corners. Voilà, Brighten the Corners, donc excellent album, quatrième album de Pavement en 97 avec peut-être un des titres les plus connus de Pavement, utilisé nombre fois dans des pubs, notamment la télé, ça s'appelle Stéréo. They tend to wiggle when they walk. The infrastructure rots. and the owners hate the jocks with their agents and their dates. If the signature's a check, you'll just have to wait. And we're counting up the instants that we save. Tired nation so depraved, from the cheap seats see us wave to the camera. It took a giant ramrod to raise the demon settlement, but hi-ho silver ride. I wonder if he speaks like an ordinary guy. I know him, and he does. And you're my fact-checking cub. We'll focus on the quasar in the mist. The Kaiser has a cyst, and I'm a blank one. List the qualms you have, and if they stick, they will drown you in a creek, in the neck of a woods that was populated by Tired Nation on the fly. Everybody knows advice that was given up for free. Lots of details to discern, lots of details, but hi-ho silver ride. Ça fait plaisir de réécouter Pavement en 2010. C'était en 1997, hein, donc voilà, oui. Stéréo sur l'album Brighton de Cournos. C'était quasi la fin pour Pavement, hein, finalement. Bah, quasiment, oui, parce qu'en fait, en 1999, Pavement a publié son dernier album qui s'appelait Terror Twilight, qui était produit par Nigel Godrich. Ouais, le producteur phare de Radiohead. Hein. Voilà. Alors malheureusement, donc même si l'album a quand même eu un succès assez relatif, hein, bon, c'était quand même pas mal, mais par contre ça sera sans suite puisque Pavement tire sa révérence. Ouais, en 99 donc. Voilà, en 99. Alors par contre, Stephen Malkmus a publié dès 2001 son premier album solo, qui est évidemment dans la continuité de la défunte formation, quoi. Ouais, parce qu'il faisait quand même énormément de choses, hein. Stephen Malkmus était principalement Pavement, même si les autres étaient bons. C'est vrai que c'est lui qui faisait toutes les compositions et qui a amené ce chant si spécifique à Pavement. Et depuis, il y a eu de nombreux albums solo, hein, de Stephen Malkmus, soit en solo ou alors avec les Jigs. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en 2009, soit l'an dernier, annonce assez officielle, même officielle, d'une reformation. Et je crois, Philippe, qu'ils vont se produire pour la première fois en 10 ans cette année, en 2010. Voilà, tout à fait. Alors, il y a vraiment une tournée assez... Il y a pas mal de dates et tout. Alors, par contre, ils feront une seule date en France. Donc, alors, si vous êtes fan, bah, il ne faut pas les rater. Ça sera à Paris, au mois de mai, le 7 mai, au Zénith. Ouais, c'est une très bonne idée d'aller faire un tour sur le net, hein. Vous pouvez aller sur le site de Matador. Je crois que les billets sont en vente. Une seule date, donc, puisqu'ils vont tourner. Ils commencent le 1er mars. Ils vont aller un petit peu partout en Australie. Ils vont se promener du côté du Japon. Ils vont faire une grande tournée en Angleterre aussi. La Belgique ne sera pas oubliée. Le Danemark. Enfin bref, un petit peu partout en Europe. Pour terminer, aux États-Unis, notamment à New York, avec 1, 2, 3, 4 carrières. carrément date du 21 au 24 septembre à Central Park à New York. Donc énorme la reformation de Pavement en live. Je ne sais pas s'il y aura un album à suivre, on vous tiendra au courant. En tout cas, il y a un best-of qui existe donc pour Pavement qui s'appelle Quarantine de Pass. Vous retrouverez notamment les trois extraits qu'on vous a joués ce soir, mais aussi plein de très bonnes choses. Voilà, merci Philippe pour nous avoir éclairé sur Pavement. De rien, et franchement, allez-y, hein, vous pouvez mettre ça dans vos iPods, c'est vachement bien. On reste du côté des États-Unis, on reste du côté du son indé américain avec une nouveauté qui vient du Texas, même s'ils sont installés du côté de New York maintenant. Premier maxi paru aux États-Unis en janvier dernier, ça s'appelle The Fieros. Ce sont en fait deux frères, hein, Joey et Aaron McLeland, accompagnés par Mackenzie Smith du groupe Midlake, qui les a rejoints en 2008. Nouveau maxi donc qui s'appelle The Fieros et ça s'appelle One Woman, tout de suite dans Label Rock. One Woman, très gros son pour ce trio américain qui vient du Texas, qui s'appelait au départ en 2005 The Valentines, mais qui ont rapidement changé leur nom. Parce que je crois qu'il y avait beaucoup de Valentines hein, dans le monde entier, donc du coup ils se sont fait appeler The Fieros. Depuis ils habitent plus au Texas, ils habitent à Brooklyn, à New York. En 2006 ils ont été élus aux USA meilleur nouveau groupe alternatif par je sais plus Pitchfork hein, je crois, donc c'est du sérieux. Et là il y a le premier maxi qui est paru aux États-Unis en janvier dernier. Encore une fois, je crois que c'est disponible sur iTunes. En tout cas, vous devrez trouver ça sur l'internet. On va laisser tomber les États-Unis. On revient en France sur un label français de Toulouse qui s'appelle We Are Unique Records, avec un nouvel artiste, nouvel album qui va paraître le 3 mars sous le nom de Raymond Howard. Se cache en fait la Stéphanoise, et oui, Cocorico de Saint-Étienne. Laetitia Fournier, c'est son deuxième album qui s'appelle For All the Bruises, Black Eyed Peas. 8 titres dessus. Elle a joué notamment à Saint-Etienne le 16 février dernier. Et elle sera à Lyon avec grosse affiche, hein, avec Laetitia Sadier de Stereolab et Jerry, donc aussi de Saint-Etienne et aussi sur le label We Are Unique. Ça sera le 12 mars à Lyon au Sonic. Et vous allez voir qu'elle a passé un an du côté de l'Angleterre, Laetitia Fournier, hein, cette Stéphanoise qui se fait donc appeler Raymond Howard. Et vous verrez qu'elle a fait énormément de progrès sous-titrée en anglais. La preuve, même vous, si vous parlez pas anglais, je pense que vous reconnaîtrez les premiers mots de cette très belle chanson qui s'appelle Great Minds Think Alike, sur donc le nouvel album de Laetitia Fournier alias Raymond Howard. Un extrait tout de suite dans la Belle Rock. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck Great Minds Think Alive. Elle est stéphanoise, elle s'appelle Laetitia Fournier, elle enregistre sous le nom de Raymond Howard et elle était sur les ondes de Label Rock. Je sais pas si elle s'est un petit peu grillée avec des paroles comme ça hein, pour passer à la BBC, ça risque d'être chaud. Ils sont pas trop, ils aiment pas trop ça la BBC, hein, le mot phoque. En tout cas, vous pourrez l'applaudir donc le le 12 mars prochain au Sonic à Lyon avec Laetitia Sadier de Stereolab et les autres Stéphanois de Jerry. L'album s'appelle For All the Bruises Black Eyed Peas. Quelle heure est-il ? 45, il nous reste encore un quart d'heure pour vous jouer de très belles nouveautés comme celle-ci qui nous vient de New York, un duo qui a sorti son premier album sous le nom de Discovery chez XL. En fait, dans ce duo, on retrouve le claviériste de Vampire Weekend et un Wes Miles, voilà, il s'appelle Wes Miles du groupe Riot. Vous allez voir, c'est assez expérimental. Discovery tout de suite dans la Bell Rock, ça s'appelle Osaka Loop Line. YouTube. and don't I look a state? Who invented video mobiles? Well, it was a big mistake. Take my photo if you must, although it's something that I hate. But don't ask me stupid questions when I'm chatting to my mates. Autographs, no problem, I'm okay to do my tag. And you're always very handy when I need to bag a fag. And although I hate to say it, you'll have to get a grip, 'cause I just can't understand you when I'm buzzing on my trip. Friend, I thank can't live without you, I'm begging you don't leave. Why did I ever doubt you? Oh darling baby please. If you didn't buy my records, download my MP3s. If you didn't come to hear me play, now where would that leave me? Friend or fan can't live without you, I'm begging you don't go. Well I know you like my music, believe me I do know. So you heard me play in 95, well I'll tell you what I think. Do you have to breathe right in my face when you've had too much to drink? To know you, I could make you my top friend. We'd be starting off just virtual, but who knows where it could end. If I don't return your emails or listen to your track, please would you forgive me? Would you ever have me back? So I'm playing at this party, such a long, long way from home. And I'm playing at this party, and I'm feeling all alone. Please won't you come and say hello? We could have a little dance. I can be really friendly if I'm given half a chance. Half a chance, half a chance. Who invented video mobiles? Well, it was a big mistake. Take my photo if you must, although it's something that I hate. But don't ask me stupid questions when I'm chatting to my mates. Autographs, no problem, I'm okay to do my tag. And you're always very handy when I need to blag a fag. And although I hate to say it, you'll have to get a grip, 'cause I just can't understand you when I'm buzzing on my trip. Friend or fan can't live without you, I'm begging you don't leave. Why did I ever doubt you? Oh darling baby please. Friend or fan can't live without you, I'm begging you don't go. Why did I ever doubt you? Well I think I know, I know. Friend or fan can't live without you, I'm begging you don't leave. Why did I ever doubt you? Oh darling baby please. If you didn't buy my records, download my MP3s. If you didn't come to hear me play, now where would that leave me? I'd love to get to know you, I could make you my top friend. We'd be starting off just virtual, but who knows where it could end. If I don't return your emails or listen to your track, please would you forgive me? Would you ever have me back? So I'm playing at this party, such a long, long way from home. And I'm playing at this party, and I'm feeling all alone. Please won't you come and say hello? We could have a little dance. I can be really friendly if I'm given half a chance. Half a chance. Half a chance. Why did I ever doubt you? Oh, darling, baby, please. If you didn't buy my records, download my MP3s. If you didn't come to hear me play now, where would that leave me? Ça s'appelle Friend or Fan, nouveauté sur le label français Expression, en provenance directe des profondeurs de l'underground rave et des free parties. Le nouveau phénomène depuis le moins prévisible, hein, depuis la naissance de la musique électro, elle s'appelle donc les Bad Girls, duo cyberdélique composé de X. Comment ça fait? Comment ils disent ça d'après toi? X in the mix, voilà, et oui. Sim Simmer, hein, c'est ça. En tout cas, elle s'appelle donc Bad Girls. J'adore lire les communiqués de presse, qu'est-ce qu'ils nous disent? Leur mission est de remettre les ravers et les clubbers à leur place, c'est-à-dire sur le dance floor. Pas de tralala, pas de chichi, juste du pur déhanchement et la danse à l'honneur. Voilà, ça m'a bien fait rire quand j'ai reçu cet album de chez Expression qui s'appelle donc It's a Funking Rap. Les deux filles qui s'appellent donc Bad Girls, hein, ingénieuses, irrévérencieuses, irrépressibles et inspirées. Les Bad Girls concoctent un étonnant mélange de genres toujours funky qui vous fera trépigner sur la piste de danse, propulsera votre esprit dans des régions encore inexplorées et accrochera un sourire contagieux à votre visage. Le sourire, il y était. Après, pour toutes les contrées, je sais pas, ça dépend des. La musique, c'est les goûts, les couleurs, c'est comme ça, hein. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Hein. Friend or Fan, donc, sur l'album des Bad Girls. C'est disponible chez Expression. Je regarde l'heure, Philippe. Ça passe à une vitesse ce soir. Eh ben ouais, ça y est, on y est arrivé. Hein. Ouais, on y est arrivé à la fin. Demain matin, sur virginradio1.fr, vous retrouverez évidemment l'intégralité de cette émission avec tous les track listings. Et faites-moi plaisir, allez acheter dès le début mars cette excellente compilation de Pavement pour mettre du bon son dans vos iPods. Et puis, bah, profitez-en pour mettre la belle rock pendant qu'on y est. On va se retrouver la semaine prochaine, évidemment. 18h-20h. Philippe, tu es toujours le bienvenu. On verra si tu es là. Merci. Ou pas. Ce sera la petite surprise, hein, on verra. En tout cas, je te souhaite une très bonne fin de week-end. Vous, pareil, excellente semaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à toi, Sébastien, mais aussi à tous les auditeurs. Bon, on va terminer avec un très beau morceau de Simon Green. C'est une nouveauté chez Ninja Tune. Simon Green, c'est Bonobo en fait, hein. Et Bonobo, c'est devenu apparemment l'artiste Ninja Tune le plus écouté au monde. Nouvel album qui s'appelle Black Sands. L'artiste a été jusqu'à Barcelone pour enregistrer les cuivres. Il a ensuite été à San Francisco pour trouver la bonne batterie. Et après, il a fignolé tout ça dans son studio à Hackney. C'est dans l'est de Londres. L'album donc, Bonobo Black Sands, vous allez voir, c'est merveilleux, très belle musique, ça fait penser à du Cinematic Orchestra, autre artiste génial chez Ninja Tune. Voilà, on se quitte, on se retrouve la semaine prochaine, demain matin les infos avec Pascal Jacquet à partir de 7h30, restez bien branchés. Merci pour votre fidélité à Virgin Radio 1 89.4, c'était Sébastien, c'était la Belle Rock avec Philippe. Ok, bah bye bye. Soyez sages, mais pas trop comme d'habitude. Bonobo, ça s'appelle El Toro. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2 heures de son pas comme les autres.